au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940. Nous pouvons simplement par analogie imaginez que à l'époque paléolithique, les hommes étaient surtout chasseurs et les femmes s'adonnaient surtout au ramassage et à la cueillette. Mais si ça nous paraît logique, c'est parce que c'est resté quand même une tradition encore vivante. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Tout le monde désormais le sait bien, chaque génération pose au passé des questions qui lui sont propres et qui sont influencés par l'ère du temps, les tensions sociologiques, les épisodes guerriers, les modes de gouvernement. De cela, je vous propose ce matin un bel exemple, tout à fait topique. Les transformations bienvenues de la situation politique et sociale des femmes dans les pays occidentaux conduisent les milieux scientifiques à jeter un regard renouvelé sur leur place et sur leur rôle dans la préhistoire. Pendant longtemps, on a charrié avec l'appui de la littérature romanesque des stéréotypes puissants sur la place du sexe faible, comme on avait accoutumé de dire, au temps du paléolithique et du néolithique. La femme objet était traînée par les cheveux au fond d'une grotte pour assouvir les appétits de mâle à la fruste brutalité. Je force à peine le trait. Dans le meilleur des cas, lorsqu'elle échappait grâce à diverses statuettes ou peintures pariétales retrouvées à une sorte d'invisibilité archéologique, comme on a pu dire, elle était généralement confinée par les préhistoriens dans un rôle dominé de gardienne du foyer chargée de tâches domestiques subalternes. Or, il advient que depuis quelques décennies, grâce notamment au féminisme contemporain et à la vitalité des études dites de genre, cette vision a été renouvelée. Les travaux de mon invitée, Claudine Cohen, qui est directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et à l'École pratique des hautes études, ont contribué de façon éminente à cette évolution scientifique. Elle aborde de front à propos de la préhistoire une question essentielle pour toute réflexion sur le genre, celle de l'articulation du biologique, du social et du culturel dans l'assignation des rôles et dans la construction des hiérarchies. Et voilà qui doit suffire, peut-être, à stimuler votre curiosité. Et pour commencer, un propos d'Elisabeth Badinter, qui remonte à 1986. Ce qui m'intéressait par-dessus tout, au fond, c'était de m'expliquer l'importance de la mutation du rapport homme-femme aujourd'hui. Et pour mesurer l'importance de ce qui se passe, j'ai éprouvé un besoin irrésistible de retourner à l'origine, de revenir au départ, d'une part pour essayer de comprendre si le modèle auquel nous mettions fin aujourd'hui, qui est le modèle de la hiérarchie, de la soumission d'un sexe par un autre, du patriarcat, était véritablement archaïque. Universel et archaïque premier. Personne n'a de documents écrits, de témoignages sur ce qu'ont vécu, ressenti ces hommes et ces femmes. Mais j'ai eu cette idée, qui d'ailleurs n'est pas extraordinaire, d'observer les seuls vestiges en notre possession qui représentent l'homme et la femme du paléolithique, c'est-à-dire les vestiges artistiques. Et quand je parle de ces statues, je veux montrer simplement qu'il y a eu une époque où on s'est représenté le féminin avec un grand respect. Il n'y a par exemple aucune image d'oppression des femmes par les hommes. Et inversement, dans le paléolithique, il n'y a aucune image d'oppression des hommes par les femmes, contrairement à ce qu'on pourrait penser quand on a des théories matriarcales. C'est donc, ça veut dire qu'on peut imaginer, c'est une hypothèse, je vous le conseille, qu'il y a eu une sorte d'équilibre. Et j'ajoute encore quelque chose qui est tout à fait remarquable, c'est qu'à cette époque très archaïque, il n'y a aucune représentation du couple. Il n'y a aucune représentation d'un homme faisant l'amour avec une femme ou d'un homme près d'une femme. Et donc ça implique probablement une sorte de séparation des sexes. Et je pense que c'est très important d'essayer de se représenter, même si c'est des hypothèses, nos origines. Claudine Cohen, bonjour. Bonjour. C'était là donc une interview d'Elisabeth Badinter par Geneviève Moll dans Aujourd'hui la vie, une émission du 12 juin 1986 sur Antenne 2. C'était à l'occasion de la sortie de son livre « Elle est lui », L-E-S-T, lui. J'ai pensé que pour inaugurer notre va-et-vient entre le passé et le présent, nous pouvions citer ces propos qui mêlent, me semble-t-il, à la prudence d'une réflexion sur les sources, la détermination de la curiosité. Oui, tout à fait. Ce qui me frappe, c'est que Elisabeth Badinter reprend des propos qui ont été formulés par Simone de Beauvoir dans Le Deuxième Sexe. Et Simone de Beauvoir commence son livre par une réflexion sur le statut de la femme dans la préhistoire. Avec une formule fameuse. Oui, on ne naît pas femme, on le devient. Mais quand il s'agit de la préhistoire, elle a une vision très sombre. Très très sombre, et elle explique que ce statut vraiment infériorisé, martyrisé presque, rendu esclave des femmes, est quelque chose qui s'enracine vraiment dans nos origines préhistoriques. Alors, Elisabeth Badinter reprend la question, mais avec une position tout à fait différente. Mais c'est 40 ans plus tard, puisque voilà. Simone de Beauvoir, c'était au mi-temps du XXe siècle. Et là, on est en 1986. Bien sûr. Cela dit, la problématique est celle d'ancrer une réflexion sur les femmes aujourd'hui dans leur existence passée. Et ici, ce que fait Elisabeth Badinter, c'est se référer alors à la préhistoire en général, mais surtout au paléolithique supérieur, c'est-à-dire à l'existence de l'Homo sapiens qui commence il y a 40 000 ans en Europe, et qui se manifeste effectivement par ces statuettes que nous connaissons au Gravettien, avec leur forme absolument plantureuse, avec les caractères sexuels très très marqués, la vulve, les seins, le ventre, les fesses, etc. Et qui nous donne une idée d'un certain regard effectivement sur les femmes à cette époque. On peut rappeler que le paléolithique est une très longue période. Alors, le paléolithique... Le mot est inventé au XIXe siècle. Oui, tout à fait. Il est inventé en 1865 par John Lubbock. Et cette notion de paléolithique, elle désigne toute l'étendue de l'histoire humaine, de la préhistoire humaine, qui va jusqu'au néolithique, c'est-à-dire jusqu'à la sédentarisation, la domestication, etc. Qui commence. Le néolithique commence il y a 10 000 ans à peu près. C'est important de rappeler ça, car certaines théories vont scander l'histoire de la situation de la femme à partir de ce découpage du temps. Oui, et je crois que c'est important de dire que la préhistoire humaine, elle ne s'enracine pas seulement il y a 40 000 ans, mais bien, bien, bien avant. On sait aujourd'hui qu'Homo sapiens existe depuis 300 000 ans. Qu'il y a eu avant des Néandertaliens, des Homo erectus, etc. Et donc, il y a une préhistoire très très longue de l'humanité sur laquelle aussi on peut essayer de réfléchir en termes de différence des sexes. Évidemment, plus on s'éloigne et plus c'est difficile. Et cette histoire, vous le montrez très bien dans votre livre, Claudine Cohen, est très profondément marquée. Je parle de l'historiographie, de la préhistoire comme science, par les préjugés, les modes de vie des contemporains successifs. Bien sûr, il faut bien voir que la preuve en préhistoire est quelque chose de très difficile. Les éléments dont dispose l'archéologue ou le préhistorien sont des fragments, sont des traces, à partir desquelles il faut reconstituer des mondes immenses. Et évidemment, lorsque la préhistoire a été inventée comme science, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, on disposait de très très peu de choses. Quelques cailloux, quelques morceaux de squelettes, quelques statuettes, effectivement, pour les périodes les plus récentes. Et honnêtement, je pense, les préhistoriens ont dit qu'ils n'avaient pas d'éléments pour penser la place des femmes. Est-ce qu'on peut dire alors que les préjugés sont d'autant plus tenaces que les indices sont ténus? Disons qu'il y a d'autant plus de place pour les préjugés qu'il y a peu de preuves. Et donc, à la fois, en toute honnêteté, les préhistoriens pouvaient dire on n'a pas vraiment d'indices de ce qu'étaient, ce que faisaient les femmes pendant la préhistoire. Mais dire cela, ça ouvre évidemment le champ à toutes les spéculations plus ou moins imprégnées d'idéologie, plus ou moins imprégnées de poncifs qui existaient à cette époque, à l'époque victorienne, au XIXe siècle, et puis qui existent aussi aujourd'hui. On est frappé en regardant cette histoire de la préhistoire avec vous, on est frappé en effet de la prégnance formidable des modes de vie, en particulier du côté de la bourgeoisie dans les pays occidentaux. Oui. C'est de là que partaient les études préhistoriques. Bien sûr, et si on regarde l'iconographie populaire de la préhistoire, par exemple les livres de Louis Figuier qui ont eu un très grand impact sur la vision de la préhistoire au XIXe siècle et même jusque tard dans le XXe, eh bien on voit toujours la femme assise, plus ou moins dépoitraillée, regardant vers le sol avec des enfants, une abondance de progéniture autour d'elle, et puis l'homme à côté, debout, le regard vers le lointain, bien habillé avec des armes. Donc il y a vraiment ce contraste entre la position de la femme et ce contraste ressemble aussi à l'iconographie de la famille. Alors évidemment, pas la femme dépoitraillée, mais enfin la femme assise avec les enfants et l'homme debout, regardant vers le lointain. Et je pense qu'il y a là effectivement une représentation qui s'inspire des modes de vie de la bourgeoisie de cette époque. On a, quant à la pérennité de ces modèles simplistes, beaucoup de témoignages, depuis les romans jusqu'aujourd'hui à la bande dessinée ou à la chanson. Je ne peux pas vous priver du plaisir d'écouter une chanson très fameuse qui est L'homme de Cro-Magnon, interprétée par les Quatre Barbus. En 1955, la date n'est pas innocente, elle a été composée par Maurice Fellbach précédemment en 1946. Vous allez voir que les clichés ne sont pas absents de cette mélodie. C'était au temps de la préhistoire, il y a 200 000 ans, vint au monde un être bizarre, proche parent de l'orang-outan. Debout sur ses pattes de derrière, vêtu d'un slip en peau de bison, il allait conquérir la terre, c'était l'homme de Cro-Magnon. L'homme de Cro, l'homme de Mar, l'homme de Gnon, l'homme de Cro-Magnon. L'homme de Cro-Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon. L'homme de Cro-Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon. Armé de sa hache de pierre, de son couteau de pierre, il chassait l'ours et la panthère, en serrant les fesses malgré tout. Devant le diplodocus en rage, il se faisait tout de même un peu petit, en disant dans son langage, vivement qu'on invente le fusil. L'homme de Cro, l'homme de Mar, l'homme d'Oignon, l'homme de Cro-Magnon. L'homme de Cro-Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon. L'homme de Cro-Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon. Il était poète à 16 heures, disant à sa femme en émoi, tu es belle comme un dinosaure, tu ressembles à Lolo Brigida. Si tu veux voir des cartes postales, viens dans ma caverne tout là-haut, je te ferai voir mes peintures murales, on dirait du vrai Picasso. L'homme de Cro, l'homme de Mar, l'homme d'Oignon, l'homme de Cro-Magnon. L'homme de Cro-Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon. Pampan, l'homme de Cro-Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon. 200 000 ans après sur terre, comme nos ancêtres nous admirons les bois, les champs et les rivières. Mais s'il revenait, quelle déception, nous voir suer 6 jours sur 7. Il dirait sans faire de détails, faut-il que nos héritiers soient bêtes pour avoir inventé le travail. L'homme de Cro, l'homme de Mar, l'homme d'Oignon, l'homme de Cro-Magnon. L'homme de Cro-Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon. Pampan, l'homme de Cro-Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon. Ils sont là, vos stéréotypes bien alignés, oui. Claudine Cohen. Oui, elle est formidable, cette chanson. Même à la réentendre, elle est d'abord très bien interprétée. Et ensuite, elle est assez riche, effectivement, de poncifs. Et puis, d'idées qui parcourent toute l'histoire de la préhistoire. On est en 1955, donc il n'y a pas si longtemps. Bon, il y a des choses évidemment fausses, hein, l'histoire des dinosaures, hein, l'histoire des diplodocus. Alors ça, c'est une vision malheureusement trop fréquente de la préhistoire dans la popularisation. Dans les films, par exemple, hein, on voit la femme aux prises avec un dinosaure. Ça, c'est terrible, parce que c'est pas du tout la même période. Les dinosaures ont disparu il y a 60 millions d'années, alors que les hommes n'existaient absolument pas encore. Mais il y a des choses plus subtiles. D'abord, le fait qu'on parle de l'homme de Cro-Magnon. Alors, l'homme de Cro-Magnon, il a été trouvé en 1868, aux Aizis, au moment où on creusait la voie de chemin de fer entre Périgueux et Agen, et une route à côté. Et en faisant cette route, les ouvriers sont tombés sur cet abri, dans la roche, dans lequel étaient ensevelis 5 individus. Et parmi ces 5 individus... Une femme. 4 hommes et une femme. Alors, on a parlé des hommes, on a parlé de l'homme, du vieillard de Cro-Magnon, l'individu le plus, qui avait l'air le plus vénérable, mais on n'a jamais parlé de la femme de Cro-Magnon. Et cette pauvre femme de Cro-Magnon, elle est restée dans les tiroirs du Musée de l'Homme, juste il y a très peu de temps, quand on a réouvert le Musée de l'Homme il y a quelques années, eh bien, on l'a sortie et on l'a exposée dans la galerie, consacré aux hommes fossiles. Et cette réémergence est significative d'une évolution évidemment, du regard. Évidemment, même si elle est là, un petit peu dans l'ombre, elle est quand même présente. On peut faire mieux encore. On peut faire encore mieux, c'est vrai. Alors donc, il y a ce fait qu'on parle de l'homme, qu'on parle de ses armes, qu'on parle de ses réalisations artistiques, qu'on parle de tout ce qu'il peut promettre à une femme, mais jamais on a l'idée de considérer que les femmes agissent, travaillent, aussi peuvent être artistes. Hein. Et ce sont tous ces poncifs-là qu'on peut essayer de repenser. Nous avons presque une heure pour cela. Je note que la chanson est de 46 et il me revient tout à coup à l'esprit un propos qu'on avait attribué au général de Gaulle au moment où il quitte le pouvoir en janvier 46. Où il aurait dit à sa femme, nous allons partir pour le Canada, je pêcherai des poissons et vous les ferez cuire. Voilà, c'est on un est retour, bien dans la ligne. C'est un retour, oui, aux origines. Mais bon, l'idée aussi que on a inventé le travail depuis. Bon, évidemment, c'est faux, puisque les hommes préhistoriques devaient subsister, avaient un mode de vie de prédation, hein, ils chassaient, ils cueillaient, etc. Mais on sait que leur mode de vie était probablement plus facile et exigeait moins d'énergie, moins de travail que tout ce qui a suivi à partir du néolithique, c'est-à-dire la culture de la terre, c'est-à-dire l'élevage, qui demandait beaucoup plus d'énergie pour avoir de quoi subsister. Et qui demandait certainement aux femmes une condition plus aliénée, plus difficile que celle du paléolithique. Alors avant d'avancer dans l'analyse, il me semble que dans la suite de ce que vous dites, Claudine Cohen, il faut s'interroger sur le petit nombre des traces, sur la difficulté de faire surgir ce qui s'est passé. Il y a les ossements, il y a les peintures, le pariétal, et puis il y a l'ethnologie, avec l'idée qu'on oui. peut s'informer à partir des modes de vie qui persistent encore aujourd'hui dans les tribus primitives pour comprendre mieux ce qui se passait jadis. Alors, ce qui reste le plus abondant des vestiges préhistoriques, ce sont quand même des cailloux. Ce sont quand même des outils de pierre taillée. Et ça, on en a des traces depuis plus de 3 millions d'années, hein, jusqu'au néolithique. Alors ces cailloux, déjà, on peut essayer de les classer, de les décrire, et aussi de les interpréter. Qui les fabriquait ? Pendant longtemps, on a dit que ça ne pouvait être que des hommes, et maintenant tout ça est remis en cause, non ? Oui, en effet, depuis le moment où on s'est mis à expérimenter la taille des outils, à essayer de les reproduire, et à essayer de les utiliser... Eh bien, on s'est aperçu que la fabrication de ces outils n'était pas une question de force, mais surtout une question d'adresse, hein, une question d'intelligence, dont les femmes ne sont pas dépourvues. Et on sait que des femmes peuvent fabriquer, utiliser des outils. Et d'ailleurs, il est très probable que dans leurs activités, les femmes du paléolithique, dans ces sociétés de chasseurs-cueilleurs, avaient besoin de certains outils. Si elles étaient plutôt chargé de la cueillette, comme on sait que c'est le cas aujourd'hui dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, eh bien, il faut aussi avoir des objets pour pouvoir couper les plantes, pour pouvoir les cueillir, pour pouvoir les ramasser aussi. Hein. Il faut avoir des paniers, par exemple. Et il y a toute une réflexion aujourd'hui sur les techniques de la vannerie, les techniques du tissage, de la fabrication des cordes, etc., qui sont, évidemment, ça reste une hypothèse, mais qui sont généralement dévolues aux femmes dans la plupart des sociétés traditionnelles. Et on peut imaginer que les femmes préhistoriques avaient ce rôle. Et l'invention du panier est quelque chose de tout à fait crucial. Hein, le panier qui permet non seulement de collecter, mais qui permet aussi de porter les enfants, puisque c'est des sociétés où on portait beaucoup. On peut dire la même chose de l'art pariétal. Pendant très longtemps, on a considéré que ce ne pouvait être l'œuvre que de mâles, et cela est remis en cause. Oui, alors, pendant très longtemps et jusque très récemment, il était hors de question de dire que les femmes avaient contribué en quoi que ce soit aux peintures pariétales et aussi à tous ces objets qu'on appelle d'art mobilier, ces objets sculptés qui représentent des animaux ou qui représentent des femmes. Alors, il y a un certain nombre de positions qui tentent à ouvrir un peu cette brèche et à faire l'hypothèse, et on a le droit de faire l'hypothèse, que les femmes ont aussi contribué aux réalisations artistiques. Alors, quelle preuve un préhistorien américain a étudié les mains, les traces de mains qu'on trouve sur les parois à toutes les époques du Paléolithique supérieur. Et il a essayé de reconnaître le schéma d'une main féminine de celui d'une main masculine. Alors, il y a des petites différences, en particulier dans le rapport de longueur des doigts, qui peuvent être parlantes et qui peuvent donner des indices de la présence des femmes. Alors, vous en donnez un exemple tout à fait remarquable dans votre ouvrage, et donc « Femmes de la préhistoire », Claudine Cohen. Oui, je parle de la grotte de Pechmerle. Alors ça, c'est l'exemple que ce préhistorien américain... Dean Snow a utilisé, parmi d'autres, pour expliquer que ce fameux panneau des chevaux de Pechmerle, qui est une des plus belles réalisations de l'art paléolithique, sur une paroi de la grotte, deux chevaux pommelés sont entourés de figures de mains, de mains négatives. Vous savez, on pose la main et puis on passe donc la peinture autour pour représenter son contour. Eh bien, selon lui, ces figures de mains seraient féminines. Alors, ça ouvre tout un espace de réflexion. Ça veut dire d'abord que les femmes étaient présentes, qu'elles étaient là au moment de la réalisation de ce panneau. Ça peut vouloir dire qu'elles ont contribué à la réalisation de ce panneau. Et pourquoi pas qu'il s'agit d'une signature, par exemple. C'est une hypothèse possible. Alors on peut toujours discuter, on peut revoir, parce que, évidemment, la figure d'une main négative n'est pas la main elle-même, c'est une image. Et le contour peut être plus ou moins bien tracé, plus ou moins bien dessiné. Donc il y a des contestation possible. Mais on peut avancer cette idée que les femmes, en tout cas, étaient présentes dans les grottes ornées et que leurs traces sont là pour l'attester. Sur les objets artisanaux, la recherche contemporaine a aussi fait remarquer que, supposer que les femmes aient fabriqué de la vannerie, des objets de toutes sortes qui étaient destinée à disparaître aisément, alors que la pierre demeurait, cela donnait une vision fausse et exactement déformée des activités partagées. Bien sûr, bien sûr. C'est ce qu'on appelle la taphonomie, c'est la science de la subsistance des restes, la subsistance différentielle des vestiges. Nous sommes contents d'enrichir notre vocabulaire. Oui, et donc, effectivement, la disparition de tout ce qui est périssable biaise énormément la lecture qu'on peut avoir de ces vestiges préhistoriques. Alors, vous avez évoqué la question de l'ethno-archéologie, de ce qu'on peut apprendre des sociétés traditionnelles aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut en penser ? Alors, pendant longtemps, on a dû aborder cela avec beaucoup de prudence. Et en particulier, le grand préhistorien Leroy Gourhan, au milieu du XXe siècle, a mis beaucoup d'accent sur les dangers de cette méthode, qui, effectivement, au XIXe siècle et au début du XXe siècle, avait tendance à assimiler les sauvages de la préhistoire aux sauvages d'aujourd'hui. Et donc tout cela, c'était du primitif, et tout cela, ils faisaient tous pareil, ils avaient des traditions, des façons de faire, des façons de penser qu'on pouvait assimiler d'une façon assez grossière. Ça rassurait parce qu'on avait des sources possibles qui étaient complémentaires. Voilà. Alors, ces choses se sont beaucoup raffinées aujourd'hui et je pense que Leroy Gourhan serait assez satisfait de voir les développements actuels de l'ethno-archéologie. Il y a des approches extrêmement subtiles, extrêmement précises, non pas de toutes les sociétés traditionnelles d'aujourd'hui, mais en particulier des sociétés de chasseurs-cueilleurs qui subsistent encore ou qui subsistaient il n'y a pas si longtemps et dans lesquelles les ethnologues sont allés étudier les modes de vie et en particulier les relations entre les sexes. Qui renvoie au paléolithique avant que les populations se sédentarisent. Voilà, donc on peut comparer des modes de vie identiques. Et on alors, ne s'agit pas de dire qu'on est toujours dans la primitivité, mais on peut dire qu'un mode de production, enfin qu'un mode de subsistance de chasseurs-cueilleurs implique un certain nombre de pratiques et de relations entre les individus. Et qu'est-ce que cela éclaire sur le sujet qui est le nôtre ce matin, c'est-à-dire la préhistoire au féminin ? Eh bien, ça éclaire d'abord le fait que les femmes dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs actuelles jouent un très grand rôle. Contrairement à ce qu'on a pu penser au sujet des chasseurs-cueilleurs de la préhistoire, elles n'étaient pas assises au fond de la caverne à attendre qu'on veuille bien leur donner de la viande, mais les femmes jouent un rôle extrêmement important, en particulier pour tout ce qui concerne la cueillette, et la cueillette prise au sens très large. Il ne s'agit pas seulement de cueillir des plantes, ce qui est déjà très important. On sait que les régimes paléolithiques étaient constitués non pas seulement de viande, mais aussi de toutes sortes de végétaux. Mais aussi le ramassage, ramassage des œufs, ramassage des petits animaux piégés, ramassage de coquillages au bord de la mer. Et on sait que dans les cultures paléolithiques littorales, eh bien, il y avait une grande activité de ramassage des moules, des coquilles, qui participaient pour une très grande part à l'apport de protéines. Donc, activité de cueillette, activité de ramassage, activité de portage. Et on sait que dans ces sociétés, les femmes jouent un très grand rôle dans ce nomadisme et portent énormément de fardeaux, que ce soit les éléments de l'habitat, que ce soit aussi les enfants. Et ça, c'est une chose très importante qui permet de réfléchir à ce que c'était que ces sociétés et quel rapport elles avaient à leur reproduction. On sait que dans les sociétés d'aujourd'hui, comme les Bushmen d'Afrique du Sud, on fait attention à ne pas avoir trop d'enfants à la fois, parce que les femmes ne peuvent pas porter plusieurs bébés en même temps, plusieurs enfants qui ne peuvent pas marcher, et elles essayent d'espacer les naissances. Évidemment, il y a la mortalité infantile. Et l'infanticide aussi, éventuellement. Il y a des méthodes de contraception qui sont utilisées dans ces sociétés. Mais il est impossible de savoir, sauf si je me trompe, si ces populations faisaient un lien entre l'acte sexuel et la fécondité. En tout cas, elles pouvaient faire le lien entre le fait d'allaiter leurs enfants et le fait de ne pas être féconde. C'est ce qu'on appelle l'aménorrhée de lactation. C'est-à-dire, l'ovulation ne se produit pas, en principe, tant que la mère allaite l'enfant. 3 ans, souvent. Voilà. Donc, cet espacement de 3 ans était celui qui était pratiqué dans ces sociétés et qui faisait que les femmes pouvaient avoir des enfants petits qui grandissaient et qui, à 4 ans, pouvaient marcher seuls, pouvaient se débrouiller tout seuls. Donc, un espacement de 4 ans. Sur les relations sexuelles, affectives entre les hommes et les femmes, on retrouve naturellement les stéréotypes, puisque nous parlons du passé présent, et ceux du 19e siècle demeurent aussi frappants qu'ailleurs. Je vais vous donner à entendre cet extrait du roman célébrissime de Joseph-Henri Rony, qui s'appelait « La guerre du feu », qui était un grand succès, qui remonte à 1911, qui est lu ici par François Chaumette sur France Culture le 3 décembre 1988. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Nao était par la stature le plus grand des oulamres. Ses épaules croissaient encore. Il n'y avait point de guerrier aussi agile ni dont la course fût plus durable. Il terrassait Mou, fils de Lurus, dont la force approchait celle de Faoum. Et Faoum le redoutait. Il lui commandait des tâches rebutantes, l'éloignait de la tribu, l'exposait à la mort. Nao n'aimait pas le chef, mais il s'exaltait à la vue de Gamla, allongée, flexible et mystérieuse, la chevelure comme un feuillage. Nao la guettait parmi les oserais, derrière les arbres ou dans les replis de la terre, la peau chaude et les mains vibrantes. Il était, selon l'heure, agité de tendresse ou de colère. Quelquefois, il ouvrait les bras pour la saisir lentement et avec douceur. Quelquefois, il songeait à se précipiter sur elle, comme on fait avec les filles des hordes ennemies, à la jeter contre le sol d'un coup de massue. Pourtant, il ne lui voulait aucun mal. S'il l'avait eue pour femme, il l'aurait traitée sans rudesse, n'aimant pas à voir croître sur les visages la crainte qui les rend étrangers. La main rude de Faoum s'abattit sur l'épaule de la fille. Il cria dans son orgueil sauvage : « Laquelle est mieux construite parmi les filles des hommes ? Elle peut porter une biche sur son épaule, marcher sans défaillir du soleil du matin au soleil du soir, supporter la faim et la soif, apprêter la peau des bêtes, traverser un lac à la nage. Elle donnera des enfants indestructibles. Si Nao ramène le feu, il viendra la saisir sans donner des haches, des cornes, des coquilles, ni des fourrures. Alors voilà, Reni, 1911, Claudine Cohen. Oui. Alors on voit effectivement à l'œuvre tout un tas d'idées propres à cette époque, hein, le fait que les hommes conquèrent les femmes à travers leurs exploits. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Allez-y, dites-les. Mais je voudrais avant dire qu'on voit aussi la distance entre ce roman de 1911 publié en France et par exemple les romans féministes en gros de Jean Noël, hein, l'écrivaine américaine qui a écrit toute une série, toute une saga préhistorique. Les enfants de la Terre, c'est un immense best-seller international. Absolument, qui est tout à fait différent ce qu'il incarne le héros sous les traits d'une héroïne, c'est Ayla. Hein, donc c'est un roman qui se centre sur les femmes et qui nous raconte l'épopée de cette jeune sapiens qui a été élevée par des néandertaliens, etc. Mais qui se centre beaucoup sur la condition féminine. Et ça, c'est très intéressant parce que on est dans les années 70. On est dans un moment où, aux États-Unis, se développe un courant très important de lecture de la préhistoire qui tente de renouveler les cadres et les poncifs, en particulier par un regard féministe. Et les féministes radicales des années 70 sont parfois des anthropologues, des préhistoriennes, des femmes qui s'irritent de voir que les modèles proposés par les préhistoriens sont des modèles qui mettent l'accent exclusivement sur le mâle. Par exemple, le fameux modèle de l'homme chasseur. L'homme chasseur, alors ça paraissait très très très très bien, très œcuménique, hein, parce que voilà, l'invention, l'hominisation, l'invention de l'humain s'est faite à travers la chasse. Mais alors, dire que l'invention de l'humain s'est faite à travers la chasse, c'est dire que par exemple, les hommes ont inventé les outils pour chasser, les hommes ont inventé la ruse, hein, l'intelligence pour poursuivre le gibier, pour s'allier entre eux pour arriver à le saisir. Ils ont inventé l'échange, ils ont inventé le partage, et toutes ces valeurs-là sont des valeurs humaines. Voilà. Alors ça paraissait très bien, mais les féministes ont dit mais comment c'est seulement les hommes alors qui ont inventé les valeurs humaines tandis que les femmes restaient à quatre pattes dans la caverne. Et il y avait des modèles, Lovejoy par exemple avait fait un modèle sur lequel les femmes étaient presque encore quadrupèdes, tandis que les hommes eux allaient vaquer à leurs exploits cinégétiques. Bipèdes au lieu d'être quadrupèdes, allons bon. Voilà, donc il y avait cette différence même dans la posture. Et donc, il y a là toute une relecture qui a eu une énorme influence sur les fictions, en particulier les fictions de Jean Noël dont je parle, mais même, je crois, sur la paléontologie elle-même, et je crois même que Lucie est un produit de cela. Ah, Lucie. On n'a pas encore cité Lucie, mais elle s'impose. Elle apparaît en 1974. Elle apparaît en 1974. Alors, qu'est-ce que c'est, Lucie? C'est un fossile, ou en tout cas, des morceaux très fragmentaires, hein, d'un fossile, ou même de plusieurs peut-être, qui ont été trouvés donc en Éthiopie, par une équipe franco-américaine, et qui étaient effectivement extraordinaire puisque puisqu'on savait que c'était les restes humains ou enfin de la famille humaine les plus anciens qu'on connaissait à l'époque, plus de 3 millions d'années, 3 millions 3. Et donc qui représentait un squelette pratiquement presque entier sauf le crâne si on arrivait à travailler sur la symétrie. Et le soir même de la découverte, les paléontologues jubilaient, étaient extraordinairement heureux et ont appelé ce fossile Lucie. Pourquoi ? À cause du LSD, hein, Lucy in the Sky with Diamonds, c'est les initiales de LSD, qui était le message subliminaire dans la chanson des Beatles. Alors, est-ce que c'était parce que c'était une femme ? Est-ce que ça a été reconnu immédiatement comme une femme ? On peut en douter, elle était en miettes. Hein. Ce qu'on peut reconnaître comme une femme, c'est la gracilité. Or, il n'y avait aucun fossile masculin pour marquer une différence dans la robustesse ou la gracilité. Elle était unique. D'autre part, c'est le bassin. Or, le bassin d'un australopithèque n'est pas différent chez la femme et chez l'homme, dans la mesure où il n'a pas besoin de s'écarter pour laisser passer un crâne volumineux à la naissance. Le crâne des Australopithèques est petit. Hein. Donc il y a là un certain nombre d'éléments qui sont manquants et qui font que la désignation de Lucie comme une femme est une invention, un postulat. Hein. Et je crois que le fait qu'on soit à cette époque chez les Américains dans une période vraiment d'entrée des femmes et des féministes dans le domaine de la préhistoire a dû jouer un très grand rôle. Vous nous apprenez que Lucie était peut-être un garçon ? Écoutez, il y a eu des débats là-dessus. Aujourd'hui, ils sont un peu fermés parce que Lucie est un mythe. Lucie, c'est la grand-mère de l'humanité et il n'est plus question de débattre de son sexe. Mais en tout cas, je crois que les féminismes américains ont joué un très grand rôle dans le fait que de l'homme de Cro-Magnon, on est passé à Lucie, à la femme, hein, à la femme qui est en quelque sorte le paradigme, le modèle de l'humanité préhistorique. Mais qui n'est pas encore stéatopige. Ah ben ça, on n'en sait rien. Parce que pour savoir si elle est stéatopige, il faudrait avoir ce qu'on appelle les parties molles. Hein. On a le squelette, on n'a pas les fesses. Alors on sait que les fesses, c'est une grande différence entre l'homme et le singe, hein, puisque c'est le muscle qui nous permet de nous tenir debout. Donc le développement des fesses est quelque chose de vraiment proprement propre à la famille humaine. Maintenant, quel était le développement des fesses de Lucie ? Ça, on ne peut pas le savoir. On était tout de même à distance de la fameuse Vénus hottentote qui avait été amenée de façon à nos yeux ignoble depuis l'Afrique du Sud et qui avait été montrée comme une bête étrange. Oui, enfin, à la fin du 19e siècle. On est évidemment à distance puisqu'on est dans la préhistoire la plus ancienne. On est à 3 millions, presque 3 millions et demi d'années. La Vénus hottentote est un personnage historique qui a vécu donc dans une société des Bushmen, mais qui a beaucoup surpris et beaucoup intrigué les anatomistes comme Broca à l'époque, jusqu'au point où dès qu'elle est morte, il s'est empressé de la disséquer et que ses parties génitales, etc., ont été. Enfin, c'est quand même une histoire assez sombre que cette pauvre Sarji Bartman. Paul Broca, le rival de Pasteur. Le grand anatomiste Paul Broca, qui nous a appris des choses sur les circonvolutions du cerveau dévolues au langage, enfin, qui est un très grand bonhomme. Mais en tout cas, par rapport au féminin, par rapport à la femme, qu'était Sarji Bartman, il y a un regard qui aujourd'hui nous paraît très suspect. Est-ce que l'usage constant du mot Vénus pour définir ces statues n'est pas également parlant ? Oui, alors, sans doute que ça a joué un rôle. La Vénus hottentote a peut-être été une inspiration pour les archéologues qui ont trouvé plus tard ces fameuses statuettes préhistoriques. Mais la Vénus de Lespugue, après oui, la Grande Guerre. Ça, c'était en 1924. Mais le mot Vénus a déjà été utilisé en 1865 pour la fameuse Vénus impudique, qui, elle, n'est pas du tout stéatopige, qui est très mince, très fine. Qui est probablement une jeune fille très jeune. Parce impudique, que pourquoi ? Le sexe est dessiné, les seins sont pratiquement plats, enfin elle a un buste plat. Alors pourquoi Vénus impudique ? Eh bien parce que les archéologues de l'époque, ceux qui s'intéressaient ont commencé à s'intéresser à l'art préhistorique, étaient des gens qui travaillaient sur la Grèce antique. Et dans l'art de la Grèce antique, il y avait la fameuse Vénus pudica, hein, dans la Grèce et dans la Rome antique, la Vénus qui se voile, hein, qui voile ses parties intimes. Alors là, on était devant une Vénus qui ne voilait rien du tout, hein, et sur laquelle on voyait le sexe. Voilà. Donc, Vénus impudique. Et c'est ça la racine de la désignation comme Vénus. Alors évidemment, après, on a trouvé d'autres figurines avec des formes absolument impressionnantes, hein, au point que l'abbé Breuil, le grand spécialiste de l'art paléolithique, disait de la Vénus de Willendorf, c'est un réalisme poussé jusqu'à l'horrible. Il était absolument horrifié, le prêtre. Il connaissait probablement l'anatomie féminine et il ne s'est pas privé de faire des réflexions sur les statuettes, sur ce qu'il croyait être des scènes de coït dans la préhistoire. Il en voyait beaucoup. Hein, Elisabeth Badinter a dit qu'on en connaît pratiquement aucune, c'est ce que disait le roi Gourand, mais l'abbé Breuil, lui, en reconnaissait un certain nombre. Bien avant les Vénus, en 1823, je relève dans votre travail, Claudine Cohen, l'évocation de la Dame Rouge de Paviland. Ah oui. Portait. Et c'est intéressant parce que comme elle portait des bijoux, on pense que forcément c'était une femme. Voilà. Mais oui, oui. Alors on voit, bon, 1823, on est même en deçà de la paléontologie humaine, hein, puisqu'elle s'est créée dans les années 1860. Encore un révérend, le révérend William Buckland. Buckland. Oui, les prêtres ont une grande présence en préhistoire. Et en particulier en France, tout le tournant du siècle est absolument habité par des abbés, des pères jésuites qui se sont beaucoup, beaucoup investis dans ce travail. Mais en 1823, effectivement, en Angleterre, on trouve un fossile dont on ne sait pas très bien à quoi l'assigner. Alors on dit que c'est peut-être de la période romaine. Et puis comme ce fossile porte des pendeloques en ivoire, on dit ben ça doit être une femme, alors peut-être même une prostituée. Il y a tout un tas de fantasmes qui se développent autour de ce pauvre squelette qui finalement sera identifié plus tard, après que la paléontologie humaine aura été inventée, comme celui d'un homme fossile, mais du sexe masculin. Donc on voit tous les préjugés qui se projettent. Et puis, il y a beaucoup de squelettes qui ont été lus soit comme féminins, soit comme masculins, en fonction des modes du temps. Et en particulier chez les Néandertaliens, où les deux sexes sont également robustes, pratiquement, il y a assez peu de dimorphisme sexuel, et il y a des fossiles qu'on a reconnu comme féminin, puis masculin, qui ont changé plusieurs fois de sexe. C'est le cas de la dame de l'Aquina, qui a changé 5 fois de sexe. Et aujourd'hui, il y en a une sorte de modelage qui en a été fait avec une tignasse hirsute qui a longtemps été exposée de cette façon. Et aujourd'hui, au Musée de l'Homme, la dernière fois que je l'ai vue, elle n'avait plus de cheveux. Elle était chauve. Et donc, ça lui donnait une allure masculine. Voilà, ça fait partie des lectures de ce fossile. Votre propos conduit à des réflexions sur le dimorphisme dont vous parlez. La pensée féministe notamment, mais au-delà, a beaucoup évolué à cet égard. Est-ce que la nature impose une telle diversité, ou est-ce que là encore on ne naît pas femme mais on le devient? Cette opposition binaire, on peut la retrouver dans un propos de Françoise Héritier, la grande Françoise Héritier, qui s'exprime dans une émission de Fabienne Chauvière sur France Inter. Les aventuriers, les s'aventuriers, le 5 septembre 2009. Néandertal, quand il a commencé à poser ses yeux sur le monde et à réfléchir et à penser, bien ce qu'il observe, c'est des corps, et son corps, le corps des autres et le corps des animaux qui l'entourent. Et il va observer une constante, et c'est il y a des mâles et des femelles. Et cette constante-là, on peut rien y faire. Et donc, à partir de ça, ça nous donne déjà des clés pour comprendre comment nous pensons. Parce que dans toutes les sociétés du monde, nous pensons par catégories binaires. Et ces catégories binaires sont fondées, pour moi, sur cette appréhension de cette double existence du mâle et du femelle dans le règne du vivant. Et à partir de là, on construit une catégorie mentale qui est fondée sur l'identique et le différent, et qui est la base de toutes les catégories mentales qui nous servent à penser. Parce qu'on ne peut parler et penser et fonctionner qu'avec ces catégories binaires qui opposent le chaud, le froid, le fini, l'infini, l'abstrait, le concret, le sain, le malade, enfin bon, le sec et l'humide, tout ce que vous voudrez. Et donc il y a l'actif, le passif, les catégories. Nous y sommes, Claudine, oui, Cohen. Oui, c'est très émouvant d'écouter Françoise Héritier, qui a disparu l'année dernière. J'y tenais. Une très grande ethnologue et philosophe même, qui a ouvert beaucoup la réflexion sur les femmes et la différence des sexes. Et ici, évidemment, elle fait part de son affiliation à une pensée structuraliste, une pensée binaire. Elle est une élève de Lévi-Strauss. Mais en tout cas, elle ouvre aussi la réflexion sur ce qu'elle appelle la valence différentielle des sexes et le fait que dès que l'homme pense, et elle parle ici des Néandertaliens, ce qui est tout à son honneur, parce que ça fait pas très longtemps qu'on pense que les Néandertaliens pensaient. Dès que l'homme pense, et même peut-être plus tôt que les Néandertaliens, peut-être chez Homo erectus. Il faut rappeler que les Néandertaliens, c'est une branche de l'humanité qui s'est trouvée aboutir à une impasse, qui a disparu. Enfin, qui a disparu, qui était nos cousins, probablement, peut-être même plus que ça, puisqu'on a trouvé qu'il y avait des hybridations entre sapiens et Néandertaliens. Nous avions fait récemment une émission à propos d'une belle exposition sur les Néandertaliens, avec Marie-Hélène Patou-Matisse, qui s'en était occupée. Oui, bien sûr. Donc il y a tout un remue-ménage sur la réflexion sur les Néandertaliens aujourd'hui qui est très, très intéressant. En tout cas, elle parle de Néandertal comme une sorte de même d'archaïsme hein, de la pensée. Et elle dit que même à cette époque très ancienne, eh bien, on devait avoir, si l'on pensait, une réflexion sur la différence. Et donc il y a ces représentations de la différence qui existent chez les hommes dès qu'ils sont hommes, c'est-à-dire dès qu'ils sont en société, dès qu'ils sont en groupe social. Et donc, cette valence différentielle des sexes, elle induit une hiérarchie, selon elle, une hiérarchie qui se solde par la domination, par les hommes, des femmes. On en vient à une doctrine qui soutiendrait que le dimorphisme sexuel est une conséquence de la domination et non pas une cause. Oui, alors ça, c'est le travail déjà de Françoise Héritier, elle en parle un petit peu, mais surtout d'une de ses étudiantes, enfin quelqu'un qui a fait une thèse sous sa direction, qui s'appelle Précy Touraï, et qui a fait sensation en présentant cette thèse en 2007, dans laquelle elle avançait l'idée, et elle l'avançait avec beaucoup d'arguments ethnographiques et biologiques, que la différence de stature entre l'homme et la femme, le dimorphisme sexuel, n'était probablement pas une différence naturelle, mais qu'en tout cas, elle s'était accentuée à travers cette domination masculine qui règne dans toute l'histoire de l'humanité. Et elle montre que le traitement différentiel des femmes, par exemple, une nourriture moins riche, par exemple, des pathologies plus fréquentes parce que des traitements moins avantageux, tout cela a pu contribuer à ce qu'elle appelle une contre-sélection de la gracilité chez les femmes et aussi ce que Darwin appelle la sélection sexuelle, hein, le fait que les hommes préfèrent les femmes plus graciles, plus petites, pour des raisons peut-être esthétiques, mais pour des raisons aussi peut-être de volonté de régner, de dominer sur elles. Oui, il peut être intéressant à cette occasion de rappeler que Darwin, dans son fameux livre traduit en français sous le titre « La filiation de l'homme », il nous explique que les premiers ancêtres de l'homme étaient sans doute couverts de poils, les deux sexes portant la barbe avec des oreilles pointues et mobiles, et avec une queue desservie par des muscles propres, que leurs membres et leur corps étaient soumis à l'action de muscles nombreux, qui ne reparaissent aujourd'hui, disait-il, qu'accidentellement chez l'homme et qui sont encore normaux chez les quadrumanes. Les mâles avaient des dents canines qui leur servaient d'armes formidables. Alors, à la fois la ressemblance par le poil et la différence par les dents. Voilà, donc il y avait un certain dimorphisme, mais ils étaient, dit-il, à peu près de la même taille. Et puis cette histoire de système pileux, alors il explique que la nudité des femmes, enfin le côté plus glabre des femmes par rapport, enfin à part les cheveux évidemment, par rapport aux hommes, le corps nu des femmes s'explique par le choix des hommes, par un choix esthétique. Donc il y a beaucoup de traits différentiels entre les hommes et les femmes qui sont sélectionnés, soit par les femmes. Par exemple, la force, l'aptitude au combat, etc., chez les hommes, soit des critères esthétiques ou des critères psychologiques, comme la douceur, l'altruisme, etc., seraient sélectionnés par les hommes chez les femmes. On laissera la question ouverte sur ce point pour garder un tout petit peu de temps, si vous le voulez bien, Claudine Cohen, sur cette question, sur ces doctrines qui ont vu, pour la période du néolithique, le temps d'un matriarcat, au moment du temps de la cueillette, un matriarcat qui se serait abîmé, qui aurait disparu au moment où il y avait une sédentarisation des populations. Et c'est la thèse en particulier d'un personnage qui s'appelait Barofen. Il dit partout la gynécocratie s'est formée, consolidée, maintenue grâce à la résistance consciente et infatigable que la femme a opposée à l'étaïrisme qui l'humiliait. Absolument. Alors, ce serait long de parler de Barofen, c'est une pensée tout à fait passionnante, mais Barofen n'était pas un préhistorien. Barofen était un juriste, et un juriste passionné d'hellénisme, de pensée grecque, qui a relu la mythologie grecque et qui a cru trouver dans cette mythologie des allusions à un état antérieur des sociétés humaines, qui était un état matriarcal. Son livre « Sur la place de la femme dans la préhistoire du genre humain » est de 1861. Oui. Alors, à l'époque, il a été peu considéré, justement à cause de ses sources, qui n'étaient pas des sources scientifiques, c'était des mythes. Mais par la suite, et très rapidement après lui, les fameux partisans de l'ethnologie darwinienne, de l'évolutionnisme culturel, ont repris cette idée de matriarcat primitif. Et c'est une idée qui a vraiment fleuri dans l'ethnologie et dans l'anthropologie pendant des décennies, jusqu'au début du XXe siècle. L'ethnographie a peut d'ailleurs y contribuer, puisqu'on connaît des sociétés primitives. Je pense par exemple aux Minangkabau à Sumatra, qui sont encore marquées par le matriarcat. Alors, les anthropologues d'aujourd'hui, les ethnologues d'aujourd'hui discutent cette notion. Et par exemple, Françoise Héritier a beaucoup insisté sur le fait qu'on ne trouve pas de matriarcat absolu dans aucune société humaine actuelle. Il y a des formes de matrilinéarité, c'est-à-dire qu'il y a la transmission par les femmes. Il y a parfois un certain pouvoir qui est donné aux femmes, mais le pouvoir ultime, le pouvoir de décision, le pouvoir politique, est très généralement assumé par les hommes. Et donc, alors s'il y a quelques sociétés très rares dans lesquelles on peut peut-être concevoir qu'il y a un peu plus de pouvoir des femmes, cette histoire de matriarcat primitif a été très largement dépassée, y compris par les féministes elles-mêmes. C'est vrai que même dans les sociétés qui y font référence, les sociétés traditionnelles qui y font référence, le matriarcat semble toujours une sorte de mythe qui permet de reléguer le pouvoir des femmes dans un passé dépassé. Les femmes ont eu le pouvoir en leur temps, mais heureusement que les hommes ont pris le pouvoir pour faire marcher les choses beaucoup mieux. Les Amazones sont toujours lointaines. Les Amazones, c'est pas vraiment un matriarcat, hein, c'est après le matriarcat dans la société, dans la pensée de Barrophone, mais en tout cas, c'est aussi une forme de mythologie. Nous n'avons guère parlé de la religion, or il y a toute une controverse autour du thème de la déesse mère, sur laquelle je voudrais que nous concluions, si vous le voulez bien, Claudine Cohen, notre conversation sur la préhistoire au féminin. Oui, alors la déesse mère, c'est aussi un thème qui a été avancé, qui a été repris, transformé, en particulier par les féministes des années 70 dont je parlais, et une ethnologue préhistorienne qui s'appelait Maria Gimbutas. Lituanienne, non ? Lituanienne, oui, et qui ensuite a émigré aux États-Unis, a beaucoup fait pour avancer et défendre cette thèse. Elle tient toujours ? Alors, elle s'appuyait sur les fameuses statuettes, donc les fameuses Vénus paléolithiques. En Anatolie, on avait trouvé des... Ça, c'est plus tard, c'est au néolithique. Et pour elle, il y a une continuité. Il y a une continuité entre ces fameuses Vénus gravettiennes, ces dames très plantureuses, les Vénus plus tardives du Magdalénien, qui sont elles plus sveltes, et puis toute l'abondance de statuettes qu'on trouve au néolithique, et on en trouve des quantités incroyables. Alors, elle a fondé toute sa pensée là-dessus, et sur le fait que les femmes, selon elle, ont dominé pendant tous les temps préhistoriques, jusqu'à l'invention des armes, jusqu'à l'invention des métaux, qui ont vu des hordes, venues de l'Est d'ailleurs, envahir ces sociétés paisibles, dit-elle, dominées par les femmes, et les transformer en patriarcat. Alors, c'est une thèse qui a eu son temps, jusque dans les années 90 d'ailleurs, mais qui elle aussi a été très largement revue et critiquée. Alors, il se peut que les sociétés néolithiques aient donné une place aux femmes, et en particulier incarné donc des déesses dans ces représentations figurées. Déclin, essor et déclin du mythe de la grande déesse. Je pense que cette idée d'un grand mythe préhistorique de la déesse ne tient plus aujourd'hui. Mais qu'il y ait eu peut-être dans les civilisations néolithiques ce regain, enfin cette idée d'une divinité féminine n'est pas complètement à exclure. Eh bien, je vous remercie beaucoup, beaucoup pour tous ces éclairages sur le très long terme et sur la préhistoire qu'on peut appeler au féminin. Claudine Cohen, votre ouvrage s'appelle « Les femmes de la préhistoire » qui est paru chez Belin en 2016 et qui existe maintenant, je ne me trompe pas, en livre de poche, très accessible. Oui, chez Taillandier, depuis 2019. Dans la collection, par conséquent, Texto. Exact. Vous avez publié également un livre en 2003 chez Belin qui s'appelait « La femme des origines, image de la femme dans la préhistoire occidentale ». C'était le début de vos réflexions sur ce thème. Oui, et c'est un livre qui a l'avantage d'avoir un gros dossier iconographique qui donne à voir toutes ces beautés préhistoriques sous la forme des statuettes paléolithiques. Un beau livre, par conséquent. Oui, avec de belles photographies. Et puis, il y a un livre dont le titre fait mouche, en tout cas, qui intrigue, vous allez nous l'expliquer, qui s'appelle « Un néandertalien dans le métro », paru au Seuil en 2007. Bizarre, quand même. C'est une citation d'un anthropologue américain qui expliquait dans les années 1936 que si on rencontrait un néandertalien dans le métro, eh bien, on ne verrait pas trop de différence avec un homme actuel, dans le métro new-yorkais. S'il était cravaté... S'il était bien coiffé, cravaté, chapeau, etc. Il y a même un petit dessin qui accompagnait cette affirmation. Et c'était le moment où les Néandertaliens ont commencé à être réhabilités. Après une longue période où ils étaient vraiment considérés comme des brutes épouvantables. La statue qu'on a d'ailleurs déposée devant le lieu où on les a retrouvés aux Aisies est tout à fait représentative. C'est un homme au front bas. C'est vraiment une brute épaisse, avec même le pouce du pied écarté comme les singes. Qu'est-ce que vous avez sur votre établi? Quelle sera votre prochaine publication, Claudine Cohen? Alors j'ai un livre qui va s'intituler « Nos ancêtres dans les arbres ». Réflexion sur le devenir humain. Et les arbres, évidemment, ce ne sont pas les arbres physiques dans lesquels on grimpe, mais ce sont les schémas évolutifs dans lesquels on classe les êtres vivants, et en particulier les différentes espèces humaines. Et on sait aujourd'hui qu'il y a eu de multiples espèces humaines et qu'on n'est pas du tout dans une évolution linéaire, mais au contraire dans une évolution buissonnante, comme on dit, avec de multiples formes qui ont été contemporaines. Donc il y a une grande diversité dans l'histoire de l'humanité. Et puis nous avons évoqué la grande Françoise Héritier, un livre parmi d'autres, « Masculin-féminin, la pensée de la différence » chez Odile Jacob, en 1996. La bibliographie est très riche sur ces thèmes et oui, vous pourrez la trouver plus développée, même encore parcellaire, sur notre site avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Et vous pourrez également écouter, réécouter et podcaster cette émission. Samedi prochain, je recevrai pour parler de Bolivar, du bolivarisme, ce qui en reste aujourd'hui en Amérique latine, dans le cadre du festival du film historique de Pessac, qui commencera à ce moment-là. Je recevrai Jean-Michel Blanquer, non pas le ministre, mais c'est le même, bien sûr, mais le professeur d'université, spécialiste comme juriste et comme historien de cette même Amérique latine. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Et bien, tout en écoutant les Beatles, Lucie, j'ai le plaisir de vous rappeler que vous venez d'entendre l'émission Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Domitille de Gavrilov, avec aussi Claire Poinsignon, une émission réalisée par Yaël Mandelbaum, Adèle Caglar à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque et Clary Monac pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel. Et maintenant, je passe le relais, comme chaque samedi, à Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères.